Il a terminé sa saison la semaine passée. C'est David Ménard de Chicoutimi avec les Lions de Colombie-Britannique qui ont perdu 42 à 15 contre les Stampeders de Calgary. On parle un peu, faire un peu son bilan de la saison, comme on l'a fait avec Shane Gauthier. Salut David. Salut, ça va bien. Oui, ça va bien, ça va bien. David, dans l'ensemble, est-ce que tu es content quand même de ta saison? Je te mentirais si je te disais que j'étais totalement content parce que je sens que j'ai pas eu la même productivité que j'ai eu l'année dernière, mais somme toute, côté équipe, je pense on a vu une amélioration qui était comparable au jour et à nuit en fait. Puis ça, tu sais, quand l'équipe va bien, tu peux pas vraiment le plaindre, même si toi personnellement ça va moins bien. Donc je le vois positif somme toute. Les coachs ils ont été contents de ma saison, puis moi, je suis toujours dur à satisfaire, mais quand même, je fais ce que j'ai à faire, puis je pense que je peux dire que je suis quand même satisfait. OK, mais c'est sûr que du côté équipe, écoute, on l'a dit, on le répète, le diable est au vache un petit peu l'année passée, mais là, maintenant, avec Wally Buono, qui est un vieux de la vieille, qui connaît la game, lui, il a replacé de l'autre, puis ça s'est fait très rapidement, puis il y a eu Jason Jennings au poste de camp. Vous avez vraiment un carrière avec beaucoup, beaucoup de talent. Ah oui, extrêmement. Il est talentueux. Écoute, c'est, je pense qu'on n'a pas encore vu le bout de son talent, en fait. Le gars, il a quoi? Il a 24 ans, je pense? Oui, effectivement. Quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas vu, on a même pas vu la pointe encore. Donc, c'est une bonne idée, c'est une bonne décision que les coachs ont pris parce que c'est un gars avec extrêmement de potentiel. Ils veulent le former, ils veulent lui faire prendre de l'expérience. Puis, écoute, il nous a donné le double de victoire qu'on a eu l'année passée. Donc, on peut pas dire que c'est une mauvaise décision. Hein. Quand tu dis que tu es déçu un petit peu de ta performance, c'est quoi? C'est parce que je pense que tu as été blessé aussi. Ça n'a pas aidé, je suis même abusé. Ouais, j'ai été blessé juste deux matchs. C'est pas quelque chose de tellement considérable. Là. C'est un petit step back, là, mais deux matchs, c'est pas ça qui fait en sorte que ta saison va bien ou mal. Là. Mais bref, oui, j'étais un peu. Je suis un peu déçu parce que j'ai eu moins de sacs que l'année passée, moins de plaqués. Je me sentais moins impliqué, même si j'étais autant sur le terrain que l'année dernière. Mon rôle était un peu différent, par contre, mais comme je te disais tantôt, quand l'équipe va bien, tu peux pas trop te plaindre. Fait que tu vois le positif là-dedans. Puis, là, il te reste combien de temps avec ton contrat avec les Lions? Est-ce que ça... Parce que là, tu vas déménager. Oui, il me reste une dernière année de mon deuxième contrat. J'ai signé cette saison qui vient de finir, puis il m'en reste un en ce moment. OK. Je parlais avec Shane la semaine passée. C'était tout un match entre Winnipeg et Colombie-Britannique avant de parler de cette finale-là. Je veux pas utiliser ça comme excuse, mais écoute, ça a été un match tellement physique, puis ça nous a tellement puisé l'énergie de gagner ce match-là. Tu sais, quand on est arrivé contre Calgary, écoute, eux autres, ça faisait trois semaines qu'ils jouaient pas. Puis ils étaient reposés. Je pense que c'est la première chose que tout le monde a remarqué, que sont sortis extrêmement forts. Nous, ça a pris un peu de temps. Écoute, on était fatigués. Je peux pas utiliser ça comme excuse, mais c'est quand même une réalité qui est présente. Ben, c'est sûr. Mais à l'inverse, ça peut être un désavantage aussi, non? D'être trois semaines arrêté. Oui, clairement, définitivement, mais... on l'a vu dans en fin de semaine que ça n'a pas été en négatif, ça a été extrêmement positif leur affaire. Mais ils sont tellement bien coachés que c'est sûr qu'ils allaient pas sortir mou, puis c'est sûr qu'ils allaient pas sortir comme une équipe qui n'a pas pratiqué depuis trois semaines. C'est sûr qu'ils se sont préparés extrêmement fort, puis c'est une équipe qui a tellement de talent. Fait que, mais non, la game contre Winnipeg, c'était vraiment quelque chose. OK, OK. Puis là, maintenant, tu fais quoi? Là tu es en plein déménagement. L'automne commence, l'hiver, j'imagine que tu vas prendre une période de congé, mais après ça, tu... Oui. Ouais? Là, c'est ça. Là, je me retourne chez mes parents. On va relaxer. Au Saguenay? Au Saguenay. OK. On s'en va les retrouver un peu après ça. J'hésite encore à savoir si je retourne à Montréal ou si je fais ma préparation au Saguenay. Mais je vais travailler un petit peu pour avoir un petit job sur le side. puis je vais m'entraîner extrêmement fort pour être sûr que l'année prochaine, j'ai une bonne saison. Parce que c'est pas la réalité de la Ligue canadienne de la NFL, hein? Vous devez travailler l'hiver dans bien des cas, là. Ouais. Ben, c'est pas qu'on doit, mais moi, j'ai fait ce choix-là pour pas être le gars qui fait de l'argent pendant 6 mois, puis après ça, qui juge ses économies. Donc, c'est un choix que certaines personnes font. T'sais, on a assez d'argent pour vivre pendant un an, mais on a quand même un 6 mois à tuer par après. Fait que moi, je fais le choix de travailler, puis je suis bien à l'aise avec ça. Là. Okay. Je pense que tout le monde devrait, là, mais bon. T'as-tu le collège, puisque t'es dans la région, est-ce que les collèges font affaire à ton expertise, soit le cégep de Chicoutimi ou le cégep de Jonquière, ou même le cégep d'Alma, étant donné que t'es dans la région l'hiver, est-ce qu'on te fait venir? Pas vraiment pendant l'hiver, plus pendant les camps, quand ça commence un peu, je reçois des invitations ici et là. C'est sûr que je connais pas mal tout le monde, là. Les coachs, le football au Saguenay, c'est tellement petit que... Ouais. On se connaît tous, t'sais, fait que c'est pas comme si pas que je peux dire non, mais t'sais, on est tous amis, genre, fait que c'est des services que je rends pour les coachs, des gars qui m'ont coaché quand j'étais plus jeune, en fait, puis qui coachent au cégep maintenant, donc oui, je me promène un peu pendant le printemps, mais rien d'exceptionnel. Ben David, félicitations pour ton année, au plaisir de se reparler, puis merci beaucoup. Oui, bon retour dans la région. Merci beaucoup. David Ménard de Chicoutimi qui s'est aligné avec les Lions de la Colombie-Britannique cet été.